Dans cette rue, a priori, aucun panneau, aucun marquage jaune n'interdit de stationner le long du trottoir à droite. À condition que ce ne soit pas face à un accès privé, bien sûr. En revanche, rien ne m'autorise à stationner à cheval sur le trottoir. Ou alors, il faudrait que ce panneau soit implanté dans les parages. À gauche, un marquage le long du trottoir délimite clairement des espaces réservés au stationnement. Mais je ne peux pas y stationner dans ce sens de circulation. Je devrais absolument faire demi-tour pour être dans le bon sens. Réponse B et D.